Quand je dormirai du sommeil qu'on nomme la mort, c'est dans ton sein que j'aurai ma couchette. Tes bras me tiendront comme ceux des mères leurs enfants endormis. Et tu veilleras sur ceux que j'aime et que j'aurai laissés, sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus, sur les champs que j'ai labourés, tu veilleras. Ta main aimante réparera mes fautes. Tu feras neiger des flocons tout blancs sur les empreintes de mes pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours évanouis passés dans l'angoisse. Tu purifieras ce qui est impur. Et de ce que j'aurais été, moi, pauvre apparence ignorée de moi-même et réelle en toi seul, tu feras ce que tu voudras. Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, mon repos et ma sécurité. Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers. Les soleils n'en sont qu'un pâle reflet et les plus hautes pensées des hommes n'en sont qu'une lointaine image. En toi, je me confie, à toi, je remets tout.